Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuin à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invite les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. Les Bleuins Fortin du 555 Dequin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le Bleuin, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuin Fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le Bleuin fait partie de la tradition et par ricochet, Bleuin Fortin aussi. Bleuin Fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuin qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. On va parler de boxe, évidemment, c'est probablement le combat le plus intéressant qu'on va avoir eu depuis le début de l'année. En tout cas, ce qui a trait un boxeur québécois, c'est Sergey Kovalev qui va affronter Aldea Alvarez. Et on en parle avec celui qui sera l'analyste de ce combat-là, c'est notre collaborateur Bernard Barré. Salut Bernard! Salut Danny! Bernard, évidemment, il y en a beaucoup d'observateurs qui disent que Alvarez a une véritable chance, et je m'explique. Parce que Alvarez est le type de boxeur qui peut donner du fil à retordre à Kovalev. Ah, sans aucun doute, quand on parle d'Alvarez, c'est un boxeur qui est très, très complet. Il a tout ce qu'il faut pour compliquer la tâche à Kovalev. Donc, puis la stratégie, puis l'encadrement aussi qu'il a avec l'équipe de Mark Ramsey, ont fait tout leur devoir, sont allés camp d'entraînement colombien à haute altitude. Ils ont vraiment étudié de A jusqu'à Z le style de Kovalev. Ils ont trouvé des plans A, B et C. Là, maintenant, il faut mettre ça en application. Ça, c'est plus difficile un petit peu parce qu'on sait que Kovalev se promène avec des marteaux dans les gants. Donc, ça prend juste un coup de poing pour tout s'écroule finalement. Donc, il y a un certain danger par rapport à ça. Mais là, je pense que toute l'équipe de Alvarez est confiante. On va souhaiter que ça se passe bien. En fait, c'est quoi? C'est d'utiliser son jab pour l'approcher au corps? C'est quoi? C'est certain qu'il faut absolument que Alvarez gagne la bataille du jab. Okay. Ça, c'est pas fait parce que Kovalev en a un très, très bon. Kovalev a une bonne portée et son jab lui sert beaucoup pour préparer ses coups de puissance. Donc, ça va être de savoir si Alvarez est capable là, d'être plus rapide, plus précis et l'indisposer et gagner cette bataille-là. Parce que s'il ne gagne pas cette bataille-là, moi j'ai l'impression que les carottes vont être cuites parce que on sait à quel point Kovalev frappe dur. Donc éventuellement, ben, il perd un grand malheur par rapport à ça. C'est certain qu'Alvarez, depuis qu'il est ici, ne nous a jamais démontré de faiblesse au niveau de la mâchoire. Il n'a jamais perdu. Il n'a jamais été envoyé au tapis. Il a plié les genoux contre Pellietto, mais c'est tout. Mais il demeure que, dans le cas de Kovalev, là, tellement dangereux, tellement puissant. Ah, effectivement. Puis ce qu'on dit, c'est évidemment, c'est qu'André, le fait que Ward, parce que Kovalev a perdu deux fois contre André Ward. Puis ça, c'est un petit ouais, peu... Oui, il a perdu le premier combat, 114-113 ouais. Sur les 3-4 de jeu. C'était très controversé. Deuxième combat, mais Ward, là, il s'est bien repris. Ça n'a même pas laissé de doute. La première partie du combat était assez serrée, mais Ward, après ça, s'est mis à matraquer Kovalev au corps et il l'a arrêté, lui, là, au 8e round. Et tu voyais qu'à ce moment-là, à partir du moment que Ward a réussi à s'approcher, c'est pas évident là, contre Kovalev parce qu'il peut être assommé avant que tu rentres, mais à partir du moment que Ward a réussi à s'approcher et à bûcher au corps parce que c'est ce qu'il a fait, on entendait même Kovalev se lamenter. On entendait « oh, oh, oh ». Ouais. Mais là, c'est certain qu'il l'a démoli au corps, mais Ward était capable de le faire. Mais là, on parle d'André Ward. Là. On parle d'un exceptionnel. On parle d'un gars qui s'en va au temps de renommée. On parle d'une classe à part complètement. Là. C'est un phénomène de la boxe. Bon, Alvarez est très, très, très bon, mais c'est pas André Ward. Non, c'est sûr que c'est pas André Ward, c'est sûr. Donc, c'est quoi, tu prédis quand même une victoire de Kovalev, quoi? Non, non, non, mais moi, c'est sûr que je souhaite et je rêve et j'espère que tout va rentrer là dans le mieux qu'on peut, là, tous les coups d'Alvarez et qu'Alvarez pourrait causer une surprise. Mais là, au moment où on se parle, les cas sont à peu près 4 contre 1 pour Kovalev et peut-être même 5 contre 1, mais c'est à peu près ça que ça vaut. Donc, c'est certain qu'une victoire de Kovalev, d'Alvarez, c'est une grande surprise dans le monde de la boxe internationale. Bernard, on va y aller de quelques nouvelles. Après, je vais te parler de Jean-Paul Sartrand, senior, qui a écrit la semaine passée, qui a fait son livre pour livre des meilleurs boxeurs, puis c'est intéressant ce qu'il dit. D'abord, je veux parler de Simon King. Il va affronter Samuel Peter. Ça, c'est un ancien champion du monde, le 6 octobre. Non, ben, ça a l'air que la négociation est achoppée. OK. C'était dans les rumeurs, puis finalement, en tout cas, au moment où on se parle, il n'y a rien de fait. On a annoncé que Simon King se battrait le 6 octobre au Centre Vidéotron à Québec, et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que là, il faut battre l'affaire quand il est chaud. Il a tellement bien paru contre Braidwood. Donc, de revenir là rapidement au mois d'octobre, ben, ça va stimuler la boxe locale. Et Samuel Peter aurait été un bon adversaire pour lui, mais là, il semble qu'il y a de l'eau dans le... Oscar Rivas? Ça pourrait pas être... Ben, Oscar Rivas, celui-là, devrait boxer dans les... Non, mais contre Simon King, ça pourrait être intéressant ce qui arrive à Simon King. Ben, tout le monde voudrait voir ça, mais tu sais, d'un autre côté, tu as deux polos qui sont invaincus dans deux organisations qui se regardent de travers. Comment tu veux vraiment bâtir ça, là? Moi, je voudrais bien dire que ça va se régler demain matin. Là, regarde, on va se parler, on va se dire des vraies affaires. On va asseoir, là, Kémil et Stéphane, Michel, là, ils vont s'asseoir demain, là, d'un restaurant à quelque part, ils vont se mettre à jaser. Tu restes en couleur, toi, là. Oui, c'est sûr. Ça n'arrivera pas tout de suite, là. Bon, c'est on va passer un autre appel, là. Dans le moment, on ne peut pas dire que c'est les meilleurs amis du monde, là. C'est pas des amis pantoute. Puis, si ces deux-là sont pas capables de s'entendre, il n'y aura pas de combat entre ces deux gars-là, là. C'est sûr. Puis, d'un autre côté, c'est peut-être pas dû non plus. Ce qui sera bon, éventuellement, c'est que les deux percent le top 10 mondial. Là, c'est sûr que ça sera plus payant parce qu'à ce moment-là, les grosses télés seraient intéressées à suivre ça, deux jeunes poilots invaincus. Là, dans le moment, ben là, il y a King, puis les deux sont pas mal là, en dessous, là. Ça prendra une couple de victoires encore là pour qu'ils s'installent solidement, là, qu'ils deviennent comme il y a comme un spotlight là, sur eux autres, puis que la télé américaine met l'argent sur la table, parce que de l'autre côté, ces deux-là en bac sur le ring, tu sais, ils vont jouer leur fiche, ils vont jouer leur position pour que ça vaille la peine, pour que ça soit payant. Puis si la télé américaine n'est pas là, on met pas assez payant pour eux autres, tu sais, je veux dire, show me the money, là. Hey, Bernard, dans le podcast de RDS cette semaine, c'est l'animateur, je me rappelle plus, il a dit qu'il y avait un rapprochement entre Jean Pascal et Adonis Stevenson. Est-ce que c'est vrai? Pas entendu parler de ça. Les autres sont plus au courant que moi parce que c'est tellement profond, cette guéguerre-là, depuis des années, là. On a qu'à remonter à 2003 quand les deux s'étaient affrontés pour la place sur l'équipe canadienne. Et puis Pascal avait gagné deux combats compétitifs pour finalement se rendre aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Donc là, on parle de 15 ans en arrière et depuis ce temps-là, mais il n'y a rien arrangé, là. Et on sait que Stevenson, pour prendre la place sur l'équipe du Québec, avait enlevé la place à Nicholson Poulard, qui est le demi-frère à Jean Pascal. Écoute, là, ça fait 15 ans que ça déboule. Quand Pascal était en haut de la pyramide, il regardait Stevenson en bas de, puis tu sais, il le regardait très haut. Puis là, Stevenson, il a jamais pardonné ça. C'est dit, c'est moi qui serai en haut. Moi, si moi, t'as regardé, regarde, ça finit plus. C'est ça. Fait que là, s'il se rapproche, écoute, il y a bien des affaires qui sont passées qu'on n'aurait jamais cru. Donc, c'est pas impossible, mais admettons qu'on part de loin. OK, c'est une rumeur qui circule. Bernard, Jean-Paul Chartrand Senior qui a écrit, il a fait une analyse des boxeurs livre pour livre sur le site de RDS. Évidemment, il répondait à The Ring Magazine, il répondait à ESPN et Boxing.com. Lui, parce qu'on ne s'entend pas du côté des sites spécialisés, c'est pas évident. Là. Le choix de Jean-Paul Chartrand, il va avec Lomachenko, Gennady Golovkin, Terence Crawford, Mickey Garcia, c'est quatrième, Errol Spence, cinquième, Alexander Usyk, le Russe qui a gagné le poids lourd léger. Là. Lourd léger. Oui. Léo Santa Cruz, Sergei Kovalev, Sisaket Sorigivan, excusez-moi, je le massacre, et Keith Thurman. Ouais, le Thaïlandais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, ben en gros, écoute, ça peut être interchangeable. Là, ouais. Quand on les livre pour livre, ça dépend ce qu'on va privilégier. Mais là, tu sais, quand on parle de Lomachenko puis qu'on parle de Golovkin en haut de la pyramide, mais là, je peux pas être contre ça. Là. C'est des boxeurs exceptionnels. Autant ils l'ont été chez les amateurs, autant ils sont chez les professionnels. Bon, Spence et Crawford, on est vraiment dans des boxeurs là, des vrais de vrais. Là. C'est des machines de boxe. Le talent là, sort par les oreilles. Fait que oui, effectivement, là, tous ces classements-là, comme je te dis, d'un à l'autre, des fois, on peut avoir un avis différent, mais là, t'as parlé de la crème de la crème, tous les noms que tu m'as donnés. Fait que c'est certain que je peux pas. Il n'y a pas personne qui va trouver qui va être contre ça. Mais Floyd Mayweather, c'est moins évident que dans le temps de Floyd Mayweather, hein? Mais là, Mayweather, il s'est installé là, puis il s'est installé là longtemps. On a des gars, à un moment donné, Roy Jones Jr., dans ses meilleures années, s'est installé là pour une couple d'années. Et puis, c'était clair que c'était lui. Et puis, Mayweather, ben là, il ne veut pas. Écoute, toutes ses performances qu'il a faites au fil des années, lui aussi, il a pogné à un moment donné un pic. Là, comme je dis, il y en a quelques-uns là, qui peuvent, à un moment donné, s'interchanger d'un combat comme, tu sais, d'un combat à l'autre. Là. C'est tout ça fragile, c'est de la base. Regarde, Sergei Kovalev, en 2013, était deuxième meilleur des pour les deux mondes. Bon, il est sorti de ça à plus de ceinture contre Ward, il y a deux combats, il est en train de remonter à vente. Mais c'est vraiment ça. Une chose est certaine, c'est que ceux que tu m'as nommé ont d'affaires. OK. Bernard, on s'en reparle. Je te souhaite une bonne été. On s'en reparle à l'automne, évidemment, mais l'actualité de la boxe va le demander. Ben, même chose pour toi, mon ami. Fais attention à toi. Puis, une bonne été à tous les amateurs de boxe. Ben, merci beaucoup. On s'en reparle. Donc, c'est notre collaborateur, Bernard Barrault.